je m'emmerde. Je ne m'emmerde pas. J'aurais pu m'emmerder, mais là je m'emmerde et ça m'emmerde pas. Nous ici, nous savons bien nous emmerder. Nous sommes dans la merde, nous sommes dans l'emmerdement de la merde. Je m'emmerde bien, c'est bon de s'emmerder, c'est bon pour le moral. Moi je m'emmerde pour garder le moral. Un bon coup d'emmerdement et on n'en parle plus. Le moral est bon, je me suis bien emmerdée. Je suis bien, je me prépare à m'emmerder. Tout est prêt, il n'y a plus qu'à. Bonjour les petits enfants! Tout est prêt, il n'y a plus qu'à. Vous écoutez vraiment autre chose. Vraiment autre chose, 191e du nom, ouais, punaise, ça fait beaucoup. Et c'est aussi la suite des aventures d'Aupier de la lettre. Au pied de la lettre, c'est le feuilleton printano, estivo, automno, hivernal qui nous tient en haleine depuis presque un an. Et ouais, on a commencé en début d'année, donc on va bientôt fêter l'anniversaire des Au pied de la lettre. Mais de quoi s'agit-il? De quoi? Qu'est-ce qu'il raconte ce jeudi soir à 21h sur Radio Au pied de la lettre? C'est l'exploration de la Nurse with One List. Si vous avez raté les épisodes précédents, un petit résumé s'impose. En 1979, le groupe Nurse with Wound sort son premier album, Chance Meeting on a Dissecting Table Between a Sewing Machine and an Umbrella, pas facile à dire. Et cet album fera date, déjà parce que c'est de la musique pionnier en musique expérimentale, no wave, beaucoup de collages, de bidouillages, beaucoup un rapport très très particulier à la musique, un groupe qui aura une longue carrière et qui existe encore à ce jour. Mais cet album fera aussi date pour la présence dans cet album d'une liste. Une liste de 292 noms de groupes, de musiciens, de musiciennes. Certains groupes très connus, je vais citer King Crimson, Zappa, ou Magma par exemple, très connu des années 70, et des pépites complètement inconnues, des groupes qui n'ont sorti qu'un album, certains groupes qui n'ont même sorti qu'un seul titre. Voilà, c'est cette liste, la Nurse with Wound List, qui deviendra célèbre au fil du temps, qui s'avérera être une véritable mine d'or, et les collectionneurs et les fans et les gros geeks de musique expérimentale se devaient de trouver, d'écouter tous les groupes de cette liste-là. Voilà, la Nurse with Wound List, c'est l'histoire d'un trésor qui deviendra de plus en plus connus, les albums seront réédités, il y aura des bacs spéciaux dans les disquaires. Dans les années 2010, la BBC consacre une émission de 4 heures à la Nurse with One List. Mais à Radio, il existe des explorateurs qui n'ont peur de rien. Ils s'appellent Stéphane, ils s'appellent Jérôme, elle s'appelle Inès, ils s'appellent Guénolé, Tony, ou même Nico et Manu, tous partent dans la grande aventure, au pied de la lettre, l'exploration de la Nurse with One List. La BBC a réalisé une émission de 4 heures. Eh bien, vraiment autre chose, prépare 50 émissions de 3 heures autour de cette Nurse with One List. C'est l'exploration de la Nurse with One List, ça s'appelle Au pied de la lettre, 20e épisode ce soir. Ils étaient beaucoup, ils étaient fringants, ils étaient jeunes, ils étaient pleins d'envie de rentrer dans le monde des musiques progressives, du krautrock, des musiques expérimentales, du rock in opposition et de tout ce qui s'est fait d'étrange et de particulier dans les années 60, 70, 80. Ils étaient nombreux, mais voilà, des péripéties, des animaux sauvages, des choses trappes. On en a perdu un, on en a perdu une, on a perdu l'autre. L'un a dit « Continuez sans moi, je vous retarde ». Résultat, la semaine dernière, nous n'étions que deux, cette semaine, je suis tout seul. Je vous présente cette émission en monome, le vraiment autre chose, numéro 191. « Mais alors, si vous avez raté les épisodes précédents, et si vous êtes friand et curieuse d'écouter les musiques dont je suis en train de vous parler, eh bien, rassurez-vous, chères auditrices, tout ça, ça peut s'écouter facilement. Il vous suffit d'aller sur le Mixcloud de Radio Radio, sur le Mixcloud de Vraiment Autre Chose, donc vous tapez Mixcloud et Radio Radio, ça doit à peu près fonctionner. Vous pouvez aller sur le blog de Vraiment Autre Chose, où là, vous aurez des informations complémentaires. Vous tapez Vraiment Autre Chose haut et fort. Et informations complémentaires sur les groupes, des liens, et bien sûr, toutes les playlists, et vous saurez tout ce qui s'est passé dans les épisodes précédents de la Nurse With Wound List. La dernière émission en date, on était avec l'ami Nico, qui était avec nous depuis la Belgique, et c'était autour de la lettre G, puisque nous l'explorons de manière alphabétique, cette liste, d'où le au pied de la lettre, c'est la lettre G, qu'on a attaqué avec Nico. En fil rouge, c'était Gong, je dis ça parce qu'on va en reparler en toute fin d'émission, et je reprends l'aventure là où nous l'avions laissé en binôme, donc c'est parti donc pour la suite de l'exploration de la Nurse With Wound List et tout particulièrement des groupes et musiciens et musiciennes qui commencent par la lettre G. Et on va démarrer ce soir avec un groupe allemand. Je vous le dis de suite, ce soir ce sera très très très allemand. Il y aura quatre groupes de ce qu'on appelle du krautrock, parce que le rock progressif allemand, on en a beaucoup parlé avec Guénolé, c'est souvent défini comme du krautrock. Là ce soir, j'aurai à cœur de vous prouver par ces quatre exemples là qu'il n'existe pas qu'un son de rock progressif allemand, et que c'est très très péjoratif de qualifier ça en rock choucroute. Et les quatre groupes qu'on va découvrir ce soir ont tous une façon très particulière et très à eux de jouer de la musique. Il y a des points communs, comme on va le voir, une extrême politisation notamment de la musique, la vie en communauté, et un rapport assez léger avec les drogues. Du coup, ouais, ce soir, si vous en avez, n'hésitez pas à en prendre, parce qu'il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de psyché. Et on va aussi faire un petit détour en Autriche. Là, on sera plutôt sur la musique contemporaine avec Friedrich Gulda. Et on va aussi passer en Italie avec le contrebassiste Fernando Grillo. Là aussi, vous allez le voir, c'est particulier, c'est plutôt expé. Et c'est, ma foi, très bien fichu. Mais on va démarrer de suite avec le groupe Gila, qui est un groupe donc allemand, qui se sont fondés à Stuttgart en 1969. Ça fait à peu près 8 minutes que je parle, donc il est temps qu'on écoute de la musique. Donc on va s'écouter Aggression, le titre qui ouvre l'album Free Electric Sound, sur lequel on va s'arrêter ce soir. On est en 1971, donc c'est parti avec Gila, Aggression. Yeah. Dila, qu'on vient d'entendre à l'instant avec le titre Agression, qui ouvre l'album Free Electric Sound, paru en 1971. Je vous ai dit qu'il s'était formé à Stuttgart en 69, ou si je ne vous l'ai pas dit, je vous le dis. Le nom original du groupe, c'est Gila Fuck. Et donc ils commencent à tourner sous ce nom-là, et ils finissent par constater une petite occurrence entre le nom de leur groupe et intervention régulière des forces de police à leur concert. Et ils se disent, bon, on va peut-être changer de nom, et du coup ils s'appellent Gila tout court, et hop, plus de policiers. Donc c'est toujours bon à savoir que pour faire fuir la police, il suffit d'enlever les mots fuck. Enfin en tout cas, ça marchait comme ça à Stuttgart dans les années 70. Les musiciens, c'est Fritz Scheying qui est au mellotron et à l'orgue, Coran Welt est à la guitare et au chant, Walter Winkersen est à la batterie. À noter que c'est un musicien suisse et c'est un Français qui finit de combler le quartet. Il s'appelle Daniel Aluno et il joue de la basse. Donc Gila, Gila Fuck, puis Gila tout court. Beaucoup de concerts, enfin c'est presque plutôt des jams en public, hein, on va pas se mentir. Et il rentre en studio en 71 donc pour enregistrer ce Free Electric Sound qui, déroge pas trop à leurs habitudes, c'est-à-dire qu'ils sont sous acide. Et ils jamment à la recherche de leur son, le son de Gila. On va s'écouter Collapse, c'est le troisième titre, si je dis pas de conneries, de l'album, qui a l'avantage de réunir les deux choses qu'on aime le plus dans la vie, à savoir les jams interminables sous acide avec des guitaristes qui en font des tonnes et des cris de bébé. Voilà, les deux réunis dans le même morceau, ils ont osé, ils l'ont fait. Et c'est peut-être ça d'ailleurs qu'a tapé dans l'oreille de Steve Stapleton, à mon avis, la présence de Gila dans cette liste. Elle s'explique plutôt par les petites expérimentations un peu cheloues comme celle-là. Donc on va s'écouter de ce pas le titre Collapse. Mm-hmm. Toujours Guy là dans Vraiment Autre Chose, c'est le titre, c'était Collapse, tiré de l'album donc Free Electric Sound, paru en 1971. Alors c'est quoi le son de Guy là? Qu'est-ce qui différencie ce groupe de tous les groupes de rock progressif allemand dont on a beaucoup parlé au cours des 19 épisodes précédents et dont on va parler ce soir? Alors eux, leur son, comment définir ça? Ben, on a des grooves hypnotiques à la basse, une batterie plutôt jazz et qui va chercher des sons du côté des musiques ethniques. Ça, par moment, ça va ressembler à des bongos ou à des tablas. Guitare psyché, tripante et qu'en fout des kilos par-dessus. Et tu rajoutes par tout ça une quantité massive d'orgue et de mélotron. Et c'est ça à peu près le son de Guy là qui développe dans cet album-là et dans l'album suivant. Puis ensuite, ils disparaîtront. C'est pas un groupe qui fera date dans l'univers du rock allemand. Que dire de plus? Ouais, que contrairement à pas mal de groupes de kraut, hein, de krautrock et de rock progressif allemand en recherche de notoriété internationale, Guy là ont décidé de toujours chanter en allemand. C'est une de leurs spécificités. On va pas s'en rendre compte ce soir, tout connement parce que j'ai choisi des morceaux instrumentaux, tout connement parce que j'ai beaucoup de mal avec la voix de Konrad Veldt. C'est pas franchement ce qu'il y a de plus réussi à mon sens dans cet album-là, donc je vous conseille plutôt l'écoute des titres instrumentaux qui composent cet album, donc Free Electric Sun, paru en 1971. Les titres, ça c'est intéressant, c'est un petit peu le parcours de l'âme humaine qui est développé dans les titres de cet album. On commence par Agression, qu'on a écouté tout à l'heure, puis Communication, ensuite Effondrement et puis Contact, et Collectivisation, et pour finir Individualité. C'est le titre qui clôt l'album, donc ça ne nous annonce pas forcément des lendemains joyeux, mais bon, en 71, ils n'avaient pas tort déjà à l'époque de dire qu'on allait terminer par l'individualité, et c'est le cas de cet album qui se termine d'ailleurs, le titre Individualité, qui est un solo, un long et très intéressant solo de batterie, donc c'est Walter Widerken qui s'y colle, et on va terminer donc notre écoute de Guy là comme se termine cet album, donc par le titre Individualitat. Individualitat, le solo de batterie qu'on vient d'entendre à l'instant, c'est le titre qui clôt l'album Free Electric Sound du groupe Gila, donc paru en 1971. On va passer à un autre groupe allemand. Je vous avais dit qu'il y en avait pléthore ce soir, je vous ai pas menti. On va passer à Grobschnitt. Grobschnitt, je sais pas si je le prononce bien, ça s'écrit Grobschnitt. S'il y a des germanophones dans la salle, n'hésitez pas à me reprendre. En tout cas, voilà, Grobschnitt, un groupe qui s'est créé en 1970, sur les cendres d'un autre groupe qui était plutôt orienté pop et qui s'appelait The Crew. Et c'est l'invention du batteur Joachim Herrig, surnommé Herrock. Et si vous vous souvenez de surnom, si vous suivez les aventures d'Au pied de la lettre depuis le début, Herrock apparaît en tant que musicien dans cette liste. Comme c'est la lettre E, on en a parlé. C'est moi d'ailleurs qui avais chroniqué l'unique album sorti sous ce nom-là, qui était assez intéressant, pas mal d'expérimentation sonore. Là, c'est son groupe mainstream, j'ai envie de dire. C'est vraiment un son qui marche, un groupe qui a eu beaucoup de public. Après, ouais, du reste, il faut vraiment se replonger dans l'Allemagne de l'époque, ce qui est assez étonnant et vertigineux quand on voit ça vu de la France, c'est que ces groupes-là de rock allemand, c'était un peu la variété de l'époque. Je veux dire, ça passait en radio au taquet, ça blindait les salles, c'était vraiment voilà, les groupes populaires de l'époque. C'était la musique populaire en Allemagne, c'était le rock progressif allemand. Ce qui fait que d'ailleurs, du reste, le public allemand et la scène allemande de nos jours sont encore très très très vivants en termes de musique expérimentale. Et quand on a un groupe de musique un peu chelou, il est bon d'aller de la tourner en Allemagne. Parce qu'il y a vraiment un public pour ça. Voilà, des gens, voilà, les parents ont été biberonnés au krautrock, donc du coup, les générations suivantes sont déjà plus ouvertes aux musiques qui sortent des sentiers battus. C'est pas comme en France où chez nous, la variété, c'était plutôt du Sheila, du Johnny. Donc ça n'a pas donné tout à fait les mêmes habitudes d'écoute. Mais bon, là, je dérive un peu. On va revenir au sujet. Donc le sujet, c'est Grobschnitt, formé en 71 donc par Herrock, le batteur Joachim Herrig. Grobschnitt, ça veut dire coupe brute. C'est ce qu'on met sur les boîtes de tabac, en fait. C'est le tabac en coupe brute, c'est le tabac Grobschnitt. C'est de là qu'ils tirent leur nom. Alors, c'est quoi leur spécificité? C'est quoi leur son? Qu'est-ce qui fait que ce n'est pas un énième groupe de krautrock? C'est dur à définir. Est-ce que c'est du rock psyché? Est-ce que c'est du krautrock? Est-ce que c'est du space rock? Non. Ils définissent eux-mêmes leur musique comme étant de la musique solaire. Solar Music, du nom de la pièce qui couvre la moitié de leur deuxième album, l'album Ballermann. Toute une moitié de cet album-là, c'est cette longue pièce, Solar Music, qui fait 25 minutes et qui est la pièce maîtresse de tous leurs concerts marathon. Et là, dans ces cas-là, les versions elles peuvent pousser jusqu'à 45 minutes à l'aise. Parce que c'est une des spécificités de Grobschnitt aussi, c'est les concerts marathon. C'est des concerts qui durent des plombes, où il y a de la musique, certes, mais aussi des espèces de sketchs burlesques et des grosses envolées pyrotechniques. C'est vraiment, c'est les gros spectacles, c'est vraiment du rock à grand spectacle, Grobschnitt, et c'est un groupe qui cartonne, vraiment. Sortent 4 albums à la fin des années 70, c'est le carton plein, ils jouent dans des salles avec des publics de plus de 100 000 personnes. Comme le 17 avril 1978 dans la ville de Mülheim, et je parle de ce concert parce que c'est un concert qui a été enregistré. Ils ont sorti donc, c'est leur 5e album, un album live qui s'intitule du coup Solar Music Live. Et c'est l'album qui fait référence en la manière. Moi, je suis pas un grand fan de rock progressif, donc j'étais un peu voir sur des blogs. Bon, déjà, Grobschnitt, dans les blogs, par les fans, ils se font surnommer le Grobschit. Voilà. Sachez-le, pour votre culture générale, pour les repas en famille, c'est toujours sympa de placer cette petite anecdote. Et surtout, tous les fans de Grobschnitt sont unanimes. Si tu veux vraiment découvrir ce groupe, apprécier ce groupe, faut pas aller vers les albums studio où vraiment la production est trop froide et ça rend pas vraiment honneur au son de ce groupe. Faut vraiment foncer sur cet album-là, Solar Music Live, donc sorti en 78. C'est ce que j'ai fait et c'est ce qu'on va faire d'ailleurs tous ensemble en écoutant donc un extrait. Donc à noter que cet album Solar Music Live contient la pièce Solar Music dont je vous parlais tout à l'heure. Elle est découpée en 3 parties d'ailleurs qui viennent au fur et à mesure de l'album et c'était le cas pendant le concert. Ils l'ont joué en 3 temps différents. Et pour le reste, ce qui complète l'album, les 5 autres titres sont des créations originales pour ce live là, c'est pas genre nos meilleurs morceaux des albums d'avant, non, c'est des créations particulières pour ce live. J'en veux pour preuve le titre qu'on va s'écouter qui s'appelle carrément Mülheim Spécial. Voilà, c'est un titre spécialement préparé pour le jouer devant le public de Mülheim. Bon, On va pas se mentir, on a aussi affaire à des groupes pour qui la part d'improvisation est beaucoup plus importante que la part de composition. Donc, je sais pas si c'est pas une composition spéciale Mulheim, mais en tout cas, c'est ce qui leur est venu à l'esprit devant la musique de Mulheim de faire de ce morceau-là. Et c'est ce qu'on va s'écouter maintenant. Et comme vous allez le voir, ok, il y a tout ce côté musical, mais il y a un petit peu de bidou, il y a quelques étrangetés. Et on commence à comprendre pourquoi, avec un son, somme toute, qui sort pas de l'ordinaire, on retrouve quand même ce groupe Grobschnitt dans la Nurse With One List. Alors c'est parti avec Mulheim spécial de Grobschnitt tiré de l'album Solar Music Live. On est en 1978. We'll be right back. Wir möchten es nicht versäumen, Sie darauf hinzuweisen, dass der künstliche Nebel, den Sie bereits seit 10 Minuten einatmen, eine äußerst giftige Substanz darstellt, die bereits nach wenigen Augenblicken zur Bewusstlosigkeit und zum Tode führen kann. Wir danken Ihnen für das Vertrauen, das Sie uns entgegengebracht haben. Was haben die Knicksnubisse nur verzerrt? Nenni, nein, rief. Vielleicht Rolfe losgossen, wird er gesund zu verbrust. Mit ordentlichen Ebenhans der Den Schwanz als Fussel gefliegt, was die Ohren nicht mehr. We'll be right back. Ça se finit un peu abruptement, ce Mülheim spécial. Donc c'était Gropschnitt à l'instant, c'était un extrait de leur album live Solar Music Live, sorti en 1978. Si vous voulez la suite, si vous vouliez savoir ce qui se passait avant, ça se retrouve assez facilement, hein, ne serait-ce que sur YouTube, l'album est uploadé en entier, mais je pense même qu'en cherchant un peu sur Bandcamp, il y a moyen. De toute façon, toutes les musiques qu'on vous passe ici, il y a toujours moyen de les choper gratuitement d'une façon ou d'une autre, ou alors de continuer à nous écouter. Mais on passera pas d'autres morceaux que ce Gropschnitt. On va passer à d'autres groupes. Gropschnitt eux-mêmes d'ailleurs tiendront pas très longtemps après la sortie de cet album live en 78, puisqu'ils sortiront un nouvel album studio, puis encore un album live au début des années 80. Et ensuite c'est le départ petit à petit de tous les membres historiques du groupe. Erock est le dernier à partir. Le groupe continue à subsister sans les trois historiques, mais c'est plus du tout le même son, et ça finit par se séparer à la fin des années 80 dans l'anonymat général, tellement le groupe était vraiment retombé. Mais il aura eu vraiment sa grande heure de gloire, et il est présent dans cette Nurse With Wound List qui nous accompagne depuis de nombreuses émissions. On va changer de pays, puis on va aussi changer d'ambiance, hein, pour le coup. J'espère que vous n'avez pas commencé à trop forcer sur les drogues qui font rire, parce que là ça va redescendre un peu, quoique en fait, on va dire, il m'est arrivé d'associer ce type de drogue au type de musique qu'on va écouter maintenant. C'est plutôt de la musique contemporaine, je dirais. Et ça marche aussi bien. Il suffit d'avoir l'esprit ouvert. On va parler de Friedrich Gulda, qui est le suivant sur cette liste. Gulda, Friedrich Gulda, qui est un pianiste, qui est né en 1930 en Autriche, à Vienne, et à 16 ans, c'est vraiment un prodige, à 16 ans, il remporte le premier prix du concours international d'exécution musicale de Genève. L'année suivante, il a 17 ans, il va à Londres, il rentre en studio, on est en 1947, et il va enregistrer pour différents labels des pièces de Bach, Debussy, Prokofiev, Mozart. En 1949, le label Decca lui confie carrément Beethoven, parce que voilà, c'est Friedrich Gulda, c'est le renouveau du piano viennois. C'est comme ça qu'il est considéré. Voilà, son jeu rappelle les grandes heures du piano classique autrichien. Cette spéciale Beethoven, il va l'enregistrer moitié mono, moitié stéréo. C'est assez chelou. Et d'ailleurs, ça fait que ça ne sort même pas. Ça sortira que 20 ans après, de façon un peu restaurée. Tout ça pour vous dire que le bonhomme, Friedrich Gulda, est une véritable sommité reconnue dans le milieu de la musique classique pour son talent, pour son jeu et pour sa virtuosité. Mais c'est un personnage assez atypique sur deux points, déjà musicalement, parce que Friedrich Gulda, certes fan de musique classique, est aussi fan de jazz et même de musique variété. Et son truc, c'est de faire des ponts, de faire des mélanges entre son adoration pour le jazz et pour la musique classique. Donc les concerts de Friedrich Gulda, c'est assez particulier. Il y a écrit Gulda sur l'affiche, donc t'y vas, et tu sais pas du tout ce que tu vas entendre, parce que selon l'humeur du bonhomme, tu peux aussi bien avoir, il va te jouer au piano des standards de jazz, ou des longs solos de Thelonious Monk, ou alors carrément de la musique populaire, ou de la musique du répertoire, voire des improvisations contemporaines. C'est complètement libre, et lui tient vraiment à mélanger le truc jusqu'au bout, donc vraiment sa grande démarche. Il va fonder un big band carrément de jazz pour lui faire jouer des compositions classiques qu'il aura écrit lui-même, et lui-même en concert régulièrement va commencer par jouer un morceau de Schubert, et puis en plein milieu partir sur une improvisation de Monk pour revenir ensuite à du Brahms. Voilà, enfin il mélange, c'est vraiment son approche de la musique, approche sur laquelle il est pas trop suivi, parce que le public de jazzeux sont pas tellement fans qu'on mette du classique là-dedans. Le public de classiqueux, pas trop fan qu'on mette du jazz là-dedans. Résultat, il a tendance à être plutôt dénigré, considéré comme un clown pour son travail de pont, alors que c'est quand même un travail plutôt important. Il touche pas trop à la musique contemporaine et se déclare assez peu féru de ça. Et pourtant, il va enregistrer cet album sur lequel on va s'arrêter. Gegenwart, on est en 1976, si je dis pas de bêtises. Il l'enregistre en duo avec une percussionniste, batteuse percussionniste, elle aussi issue de la formation classique, Ursula Anders, donc à pas confondre avec Ursula Andress. Au début, j'avais l'impression d'avoir déjà entendu ce nom. Attention, elles ne sont pas à confondre. Ursula Ursula Anders, qui est aussi sa compagne par ailleurs, et avec qui il enregistre cet album-là et quelques autres albums par la suite. La particularité de celui-là, et à mon avis c'est pour cet album-là qui fait partie de la Nurse With Wound List, c'est qu'on est vraiment dans l'expérimentation sonore et la musique contemporaine. Il y a 6 pistes. Qui porte des noms assez sobres, puisqu'il y a 3 pistes qui s'appellent solo et 3 pistes qui s'appellent duo. Et donc, on a une piste solo d'Ursula Anders, 2 pistes solo de Friedrich Gulda et 3 pistes qui réunissent nos 2 comparses. Et on va s'écouter une de ces pistes-là. On va écouter le duo numéro 1, qui est la 3e piste de l'album. Donc, vous allez le voir. On est vraiment dans une recherche de ce qu'on peut faire avec un piano. Au niveau du piano, il y a beaucoup d'expérimentation. Piano préparé, jeu sur le son, et j'en passe. Vous allez pouvoir écouter ça à l'instant. Donc voilà, c'est toujours assez trippant, c'est même psyché si on veut. En tout cas, ça fait vraiment voyager. C'est un très très bel album que je recommande particulièrement, ce Gegenwart, paru en 1976. On écoute le titre qui s'intitule Duo 1. Thank you. C'était Friedrich Gulda à l'instant, donc dans vraiment autre chose. C'est le duo 1 qu'on vient d'écouter, tiré de l'album Gegenwart, donc enregistré par Friedrich Gulda et Ursula Anders en 1976. Je vous disais donc que Friedrich Gulda, bien qu'étant un pianiste virtuose vraiment reconnu dans la scène classique, en tout cas à ses débuts, à partir du moment où il trouve son identité, voilà, il est un petit peu moins reconnu, notamment, comme je vous le disais, par les ponts qu'il essaie d'instaurer un peu entre la musique classique et la musique jazz, voire la musique rock, voire la musique variété, et puis ses concerts assez improbables. En 1970, il remporte néanmoins l'anneau du bicentenaire de Beethoven. Ouais, voilà, donc c'est l'Académie de musique de Vienne qui décerne ça, c'est l'anneau du bicentenaire, c'est quand même pas n'importe quoi, le précieux, l'anneau. Eh ben, Friedrich refuse le prix, refuse d'endosser cet anneau pour protester, je cite, contre le système d'éducation musicale qui formate les élèves et ne leur laisse pas assez de libre arbitre. Voilà, donc on a affaire à un musicien à part musicalement, mais aussi en tant qu'individu, il est reconnu pour son esprit libertaire et ses excentricités. On le surnomme l'anar au piano, à Friedrich Gulda. Il fait des concerts atypiques, comme je vous le disais tout à l'heure, là, avec des mélanges improbables entre le répertoire et des musiques barbares, si j'ose dire. Il joue aussi le répertoire, des fois dans des grands opéras. Il joue du Beethoven dans des grands opéras avec des cascades à fleurs. Voilà, c'est son petit. C'est son petit signe distinctif. Il y a des photos d'ailleurs sur Google Images de Friedrich Gulda avec des casquettes à fleurs. Je vous les recommande aussi particulièrement. Alors là, un de ces grands moments, c'est pour un concert de Schumann. Il vient sur scène avec sa compagne, donc Ursula Anders. Ils viennent tous les deux pour jouer du Schumann tout nu. Et donc ils vont sur scène et tout le concert ils le font à poil. Voilà, personnage assez particulier, adulé par les uns et décrié et traité de clown par les autres. Du reste, vers la fin de sa vie, il dira « J'ai tellement été sali de mon vivant que j'aimerais pas qu'ils aient jeté des ordures dans ma tombe. » Et à se demander s'il a pas voulu vérifier ça, parce que alors une des dernières excentricités du bonhomme, c'est que le 28 mars 99, il organise une répétition générale de sa mort, c'est-à-dire qu'il fait annoncer son décès par les autorités et le monde de la musique le pleure, on lui rend hommage et quelques jours plus tard il réapparaît et donne le concert de la résurrection. Voilà, il a même faussement mis en scène sa mort. C'était un peu ça, Friedrich Gulda, personnage assez particulier. J'ai vu qu'il y avait un coffret DVD d'une quinzaine de DVD qui reprend toute son œuvre, donc à savoir tout ce qu'il a pu faire dans le domaine du classique et de la virtuosité, des choses expérimentales comme ce Gegenwart qu'on écoute ce soir, et des choses qu'il a pu faire par la suite plutôt dans le domaine du jazz, comme je vous le disais, comme par exemple avec son big band. Il meurt le 27 janvier 2000, voilà. Mais alors le 27 janvier 2000, ça tombe pile poil sur l'anniversaire de la naissance de Mozart. Il est né le jour de la naissance de Mozart, quoi. Donc tout le monde a pensé que c'était une blague et il a fallu quelques jours pour que finalement le monde de la musique finisse par reconnaître la disparition de ce brave Friedrich Gulda et lui rende l'hommage qui lui était mérité. Nous, en guise d'hommage, on va s'écouter un autre titre et encore un des duos. Moi, c'est ce que j'ai préféré dans cet album-là. Je vous l'ai pas dit, mais Friedrich Gulda, en dehors de faire du piano sur cet album et de pas mal traficoter les cordes du piano, là vous avez pu entendre ces énormes basse tout à l'heure, c'était pas de la basse, c'était les cordes du piano. Il se munit aussi sur cet album là par moment de flûte. Je sais plus du tout si c'est le cas dans le titre qu'on va écouter. En tout cas, on va se l'écouter. C'est le duo 3, donc tiré de cet album Gegenwart. Allez, c'est reparti, un petit voyage avec Friedrich Gulda. Ah. Hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, il y a méprise, c'est pas du tout ça que je voulais dire. On s'écoute donc Friedrich Gulda, le duo numéro 2, c'est parti. Friedrich Gulda et Ursula Anders, donc on est en 1976 quand le pianiste... Oula, il y a un petit souci de son, non, tout va bien ? Ok, tout va bien, alors ça doit être mon truc qui merde. Oui, voilà, tout va bien. Alors, donc je disais, donc on est en 1976 quand sort cet album Gegenwart, qui est vraiment la plus grande... percée de Friedrich Gulda vers la musique contemporaine. enfin je veux dire en tant que compositeur, parce que comme interprète il y a pas mal de compositeurs qu'on fait appel à lui, mais en tout cas lui voilà, c'est ça, c'est son album de musique un peu expérimentale en compagnie donc de sa compagne Ursula Anders. Ben je vous ai raconté sa vie, je vous ai raconté sa mort, je pense qu'on va passer à autre chose, donc c'était un plaisir en tout cas voilà de préparer cette émission et de découvrir ce monsieur dont j'avais jamais entendu parler auparavant. Et cet album Gegenwart, vraiment je le recommande, c'est vraiment chouette, ça s'écoute comme un voyage psychédélique. Je faisais ce parallèle tout à l'heure là, avec les moult groupes de rock psychédélique qu'on écoute ce soir. Je trouve que le voyage est similairement, enfin voilà, on voyage aussi quoi, c'est un autre son, mais c'est pareil, ça fait quand même bien planer. En tout cas j'espère que vous aurez apprécié l'écoute de ces deux duos, et je vous recommande cet album pour le duo qui vous manque et les trois solos qui valent aussi le déplacement. On va se déplacer nous-mêmes, le temps de vous dire d'ailleurs qu'il est 22h08 sur Radio Radio, si vous nous écoutez sur Radio Radio. Si vous nous écoutez dans les rediffusions de Bram FM, nos amis de la Corrèze qui nous rediffusent maintenant le vendredi à partir de 22h30, il doit être 23h38, 39, quelque chose comme ça. De toute façon, je pense que vous savez l'heure qu'il est. En plus, si vous nous écoutez sur les Mixcloud, etc., il est tout bêtement l'heure qu'il est. Au moment où vous êtes en train de nous écouter. Voilà, c'est une vieille manie dans la radio de donner l'heure. Je sais pas trop pourquoi, mais bon, voilà. Au cas où vous ne l'auriez pas, voilà, c'est donné, l'heure est donnée. On remet les pendules à l'heure et on poursuit donc notre exploration radiophonique, puisqu'on va partir maintenant du côté de l'Allemagne. On va partir du côté de l'Allemagne, du côté de Cologne, pour être précis. Voilà, on est à la fin des années 60, quand, issu de la scène prog rock progressif de Cologne, naît le groupe Gomorrha, G-O-M-O-2-R-H-A, groupe qui a la particularité, et ça va, on va en reparler plus tard, d'être pris sous son aile par un grand monsieur du rock allemand, le producteur ingé son connu Planks. Il aura fait ça avec pas mal de groupes allemands. C'est vraiment un ingé son qui est à l'écoute des musiciens et aussi vraiment à la recherche de créer des sons. Donc on va faire des tentatives, des expérimentations, des choses assez noisy. Il est très très très friand de ça, et c'est presque un musicien supplémentaire qui se rajoute au groupe quand ce monsieur Conny Planks travaille avec des groupes de rock progressif allemand dans les années 70. Le groupe Gomorrha sort son premier album intitulé Gomorrha en 1970. Bon, alors il enregistre, il le sort. Et puis ils écoutent et ils sont pas contents. Ils sont pas, non, vraiment pas satisfaits de cet album-là. Ils le trouvent, ils le trouvent un peu raté sur pas mal de points. Ils trouvent que musicalement ça se lâche pas assez. Puis surtout, ils trouvent que chanter en allemand c'est pas top. Hein, à l'inverse des musiciens de Gila dont on parlait tout à l'heure, eux aussi ils ont tenté de le faire en allemand, mais vraiment ça rend pas. Cette langue ne rend pas. Elle est pas assez chantante. Enfin, je sais pas c'est quoi leur problème. En tout cas, ils décident carrément. C'est quand même assez rare dans l'histoire de la musique. Ils décident de réenregistrer l'album un an après, donc les morceaux ont un peu évolué musicalement, et puis on le chante en anglais, et là ça groove vachement mieux et ça colle super bien. En tout cas et ça s'appelle Trauma, du coup leur deuxième album. Trauma, c'était le nom d'un morceau du premier album. Ce sont les mêmes morceaux, ils sont réarrangés et ils sont chantés cette fois-ci en anglais. On va pas s'arrêter sur cet album là parce que moi perso j'étais pas convaincu par le premier, j'avais pas l'impression que ce soit spécialement la langue allemande qui pêche. Du coup le deuxième, je suis toujours pas convaincu, c'était pas la langue allemande qui pêchait à mes oreilles. En tout cas je me suis plutôt arrêté sur le troisième album qui sort. Je vais pas vous mentir, c'est à mon sens pas non plus un chef-d'œuvre, mais après vous ferez votre opinion. Dans cette exploration au pied de la lettre, on a vraiment décidé de parler de tous les groupes et d'écouter un titre au moins par groupe présent dans cette liste. On va pas dire qu'on aime tout, je suis pas fan de tout ce qu'on peut passer, mais vraiment, j'avais à cœur qu'on partage et qu'on découvre ensemble tous les groupes de cette liste. Ça va être le cas de Gomorrha, et puis qui sait, on a peut-être des goûts complètement différents, et vous allez peut-être vachement apprécier ce que vous allez entendre. Ce que vous allez entendre, c'est tiré donc de leur troisième album, qui sort en 1972, et qui s'intitule « I Turned to See Whose Voice It Was ». Je me suis tourné pour voir de qui était cette voix. C'est une phrase qui est tirée de l'apocalypse selon Saint Jean. Alors là, comment définir leur son ? C'est un peu mon but depuis le début, d'expliquer qu'il n'y a pas qu'un seul son de rock progressive allemand. Eux, on est sur un prog, mais un prog heavy. Heavy qui lorgne méchamment vers Black Sabbath, vraiment. Enfin, en tout cas, je trouve, c'est la référence qui me vient à l'oreille, et vous allez me dire ce que vous en pensez. On va s'écouter donc le titre qui ouvre cet album, donc l'album I Turn to See Whose Voice It Was, qui est sorti en 1972. Le titre qui ouvre l'album s'intitule Dance on a Volcano, donc on va danser tous ensemble sur un volcan, et on se retrouve juste après. C'était à l'instant le psyché prog bien heavy, bien bluesy aussi de Gomorra. Donc on est en Allemagne. Effectivement, ça va bien chercher du côté de Black Sabbath. Parfois, ça peut bien faire penser aussi à du Led Zepp. En tout cas, on est très loin des sons proposés par Gila ou par Gropschnitt. Comme je me tue à vous le dire, on se tue à vous le dire avec Guénolé depuis pas mal d'émissions, que bon, le terme krautrock, c'est surtout un terme injurieux qui a été inventé par la presse britannique et qu'il n'y a pas, en effet, un seul son de rock progressif allemand. Et il y en a autant qu'il y a de groupes, à mon avis. On va s'en rendre compte d'ailleurs avec encore un quatrième groupe. Ouais, c'est surprenant. Le hasard a voulu que pour cette émission-là, on soit vraiment beaucoup, beaucoup en Allemagne et beaucoup, beaucoup dans le rock allemand. Et cette fois, on va passer à une autre pointure. Tout à l'heure, on a parlé de Gropschnitt. Là, c'est encore un autre groupe qui a cartonné et qui s'appelle Guru Guru. G-U-R-U, G-U-R-U. Vous pouvez appeler ça Guru Guru si vous voulez, mais je pense que ça se prononce Guru Guru. Toujours est-il que c'est un groupe qui s'est formé en 1968, qui portait le nom de The Guru Guru Groove, groupe formé par Manny Neumeier, qui est batteur, Uli Trepte, qui est à la basse, et Eddie Nageli, qui est à la guitare. Mais bon, Eddie Nageli, il n'était pas très bon, donc il est très vite remplacé par un très bon musicien, Jim Kennedy, américain, guitariste complètement fou, complètement arraché, et qu'en prend beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, qu'on a tellement pris qu'il a fini par s'évanouir sur scène pendant un concert. Il est donc remplacé par Axe Genrich, qui devient le guitariste attitré du groupe et qui arrive juste à temps avant l'enregistrement de leur premier album UFO, sorti en 1970. On va s'écouter un extrait de ce UFO, le titre qu'on va écouter maintenant. Je crois que c'est le deuxième titre de l'album. Il s'appelle Girl Call, donc on va écouter l'appel de la fille. Donc c'est Guru Guru maintenant sur Radio Radio. Thank you. Ah, ça coupe un peu abruptement, c'était Girl Call, donc tiré de l'album UFO, le premier album du trio Guru, grand groupe de rock progressif allemand. Tout à l'heure, vous m'avez entendu écorcher pas mal de noms de musiciens allemands. Bah, dites-vous que, en fait, je vous ai pas mal épargné, parce que si vous allez sur la page de leur groupe ou sur leur page Wikipédia, et que vous regardez le listing des musiciens qui ont fait partie de ce groupe, c'est assez impressionnant. C'est un groupe qui a changé un nombre incalculablement de fois de musiciens. Du coup, y en a qui sont restés 6 mois, il y en a qui sont restés 1 an, mais la liste doit avoir une vingtaine de musiciens, parmi lesquels on retrouve Konrad Veldt, dont on avait parlé en tout début d'émission. Donc vous voyez, ça, le batteur. Donc ça se recoupe, ça se recolle. Il faut suivre un peu ce qui se passe dans Au pied de la lettre, parce que du reste, c'est pas très étonnant, la scène progressive ou la scène rock allemande, y a des musiciens qui passent d'un groupe à un autre, comme dans les scènes jazz, comme ça se fait un peu partout. C'est aussi une histoire de potes. Et d'ailleurs, en parlant de potes, figurez-vous que les gourous, là, vous avez entendu un petit peu, là, je vous fais pas le coup de c'est quoi la particularité du son de ce groupe-là. Vous entendez bien que ça ressemble déjà pas du tout aux trois autres. Et eux, leur particularité, elle va être plutôt sur ce son un petit peu noisy, un petit peu criard, sur une approche de la musique assez hypnotique, mais pas dans le même sens que la trance répétitive qu'on a pu entendre dans d'autres groupes. Eux, c'est plutôt des longues atmosphères qui s'installent, qui prennent le temps à s'installer. J'ai presque envie de parler de la naissance du post-rock, enfin de la naissance, j'en sais rien, en tout cas des premiers balbutiements de la musique post, parce que vraiment la musique de Guru, particulièrement sur cet album là, j'en ai écouté deux autres, je me suis vraiment arrêté sur celui là que je trouve vraiment bien. Par la suite, ils ont un son qui sera plus zapaïen, puis carrément plus jazz rock, beaucoup moins intéressant. Du reste, on retrouve plus du tout les musiciens d'origine, comme je vous l'avais dit. Donc à titre personnel, moi le conseil, il sera de s'arrêter sur cette UFO. Pourquoi ça tourne comme un groupe de jazz rock? Parce qu'à la base, d'ailleurs, à la toute base, Guru, quand ça s'appelait Guru Groove, au tout début de l'existence du groupe, c'était plutôt un groupe de jazz. Mais on a aussi affaire à des copains, hein, c'est encore un groupe un peu communauté, ils étaient tellement longtemps sur la route que c'est un groupe qui vivait quasiment pas dans leur maison respective, mais dans le bus, dans le tourbus commun. On a encore affaire à des gens qui avaient une belle petite approche de la drogue et des acides. Bon, du reste, une bonne partie de cette scène-là. Et puis pas que la scène musicale, hein, faudrait pas être péjoratif sur la question des acides. Il y a des gens aux États-Unis dans les années 70, des scientifiques qui ont dit que l'acide, ça permettait tellement d'ouvrir l'esprit que ça allait être un élément indispensable à la recherche scientifique. Bon, que des musiciens aient appliqué ça à la recherche musicale, ça peut tout à fait se comprendre. Du reste, le public lui-même, quand il prenait son petit acide, il y avait son petit effet. Et voilà, j'ai peut-être depuis le début de cette émission parlé de drogue. J'espère que vous ne l'avez pas senti dans un sens péjoratif. Je parle vraiment dans un sens d'ouverture musicale. Il y a des gens pour qui ça va vraiment aider à ouvrir. Et encore une fois, on l'a entendu, on va continuer à l'entendre. La recherche de musique de tripé, entre guillemets, c'est des musiques qui n'ont rien à voir. Et là, pour le coup, ce que nous propose Guru, c'est tout aussi hypnotique, certes, que les groupes précédents. Mais on est encore une fois dans un son très particulier qui est le leur. Et pas que le leur, parce que c'est aussi celui de leur ingé son. Parce que eux aussi ont été pris sous la coupelle du même ingé son que le groupe dont je parlais précédemment. Là, je commence à paumer mes fiches et du coup, je suis un peu paumé. Mais je vais m'y retrouver juste pour trouver le nom de ce musicien Conny, comment déjà ? Le quatrième, le cinquième membre du groupe, quelque part, un producteur ingé son, Conny Planks, voilà, je l'ai, qui était le producteur ingé son donc de Gomorrah, dont je parlais précédemment. Pareil pour Guru, il va vraiment mettre ses connaissances et ses capacités au service du groupe pour trouver le son qui lui est particulier, et ce qui est une belle réussite, surtout sur cet album-là, qui est vraiment qui est grinçant. Il y a un titre où vraiment il y a du groove, il y a de la mélodie, il y a de la batterie, alors pour le reste, on est vraiment dans une atmosphère un peu étrange, noisy, post, comme je vous le disais tout à l'heure. On est vraiment dans ces musiques-là. C'est la particularité de Guru, particulièrement sur cet album-là, qui fait que cet album, je vous le recommande. Et il n'y a pas à tortiller une seconde, c'est forcément à l'écoute de cette UFO que Stephen Stapleton et John Fogerty Hill ont décidé de rajouter Guru Guru à leur fameuse Nurse with Wound list. Et je veux bien croire que Guru Guru ait pu avoir une grande, grande influence sur eux. Ça s'entend carrément. Et pas que sur eux. Guru Guru, je ne vous l'ai pas dit, G-U-R-U, ça signifie tournoyer en japonais. Et je ne sais pas si c'est parce qu'ils ont pris un nom inspiré du japonais, mais toujours est-il que Guru Guru est un groupe qui aura eu aussi énormément d'influence sur la scène noise japonaise, notamment aux années 80, des années 80, mais jusqu'à nos jours, du reste. Et d'ailleurs, le batteur Manny Neumeier, par la suite de sa carrière, il y aura un Guru Guru 2, il y aura une espèce de revival, et il y aura Acid Mover Guru Guru, parce qu'il sera il est intervenu sur un des concerts du groupe japonais Acid Mover Temple, et il décide de former un groupe éphémère, le Acid Mover Guru Guru. Voilà, je vous avais parlé à une émission précédente des unions qu'il y avait pu avoir entre Acid Mover Temple et Gong, ben, pareil pour Guru Guru. Voilà, ils ont travaillé avec Manny Neumeier pour proposer des albums carrément réussis. Donc voilà, tout ça pour dire que Guru Guru est un groupe qui aura non seulement marqué le rock progressif allemand, puis européen, international, et beaucoup, beaucoup aussi la scène japonaise. On va s'écouter UFO, qui est donc le titre éponyme, donc tiré de l'album UFO. Vous allez voir aussi, là, on va continuer un peu dans les expérimentations, dans cette atmosphère dont je vous parle depuis le début, et qui fait le sel et l'identité propre de ce groupe Guru Guru sur ce premier album particulièrement réussi. Allez, on s'écoute UFO. Viens d'écouter donc à l'instant Gourou Gourou. Le titre c'était UFO, tiré de l'album éponyme UFO. Voilà, la carrière de Gourou Gourou, elle est très longue, comme je vous le disais, avec beaucoup de changements de musiciens. Bon, elle est beaucoup moins intéressante à mon sens que cet album-là, qui est vraiment le plus expérimental. Le deuxième est sympa, le troisième passe, et après franchement ça devient vraiment du jazz rock. Un peu au kilomètre et sans beaucoup d'intérêt. Mais en tout cas, voilà, un groupe qui aura marqué l'histoire de la musique en Allemagne, en Europe et y compris au Japon, comme je vous le disais, et qui n'est pas surprenant de retrouver dans cette Nurse with Wound list, particulièrement pour cet album UFO que je recommande lui-même particulièrement. Voilà, cette émission touche à sa fin, mais elle n'est pas encore finie. Il nous reste un artiste en G avant de se retrouver plus tard avec toute l'équipe pour attaquer la lettre H. L'artiste qu'il reste, il est italien et il s'appelle Fernando Grillo. Il est né à Foggia en 1945. Bassiste, compositeur et associé à l'avant-garde musicale italienne, puisque pionnier dans l'exploration de nouvelles formes de son à la contrebasse. Voilà, notamment avec un gros travail sur la gestuelle. Il en parle lui-même, Fernando Grillo, il dit « Avant le son, je réfléchis aux gestes que je dois utiliser pour obtenir le son souhaité. » Voilà, il y a vraiment une approche très gestuelle de son instrument, et puis cette volonté qu'on a retrouvée tout à l'heure, par exemple, chez le pianiste Friedrich Gulda, d'arriver à faire sonner son instrument différemment de que comme il est censé sonner, si j'ose dire. Technique d'instrument, donc il explore la mécanique de vibration des cordes, expérience avec les harmoniques pointées, avec l'archet, et puis les gestes, des grands gestes avec les bras et avec l'archet, justement pour altérer la vibration et altérer le son et obtenir le son escompté. Voilà, c'est un petit peu, bon, je vous le fais vraiment, je vulgarise un peu le truc, mais c'est un peu ça les recherches de Fernando Grillo, très reconnu du coup dans le milieu des musiques expérimentales et avant-gardistes. Yannis Xenakis et Luciano Berio, par exemple, compose pour lui. Stockhausen l'appelle le Bouddha de la contrebasse. Voilà. Il sort l'album qu'on va écouter s'appelle Fluviné. Il sort en 1976 chez Cramps Records, un label d'avant-garde italien dont je vous ai déjà parlé depuis le début de cette Nurse with Wound list, notamment parce que c'est Cramps qui sort les albums d'Aria. Par exemple, Fernando Grillo continuera après cet album-là, donc en 76, continuera un peu dans les musiques expérimentales. Je note notamment, parce que j'ai écouté ça et que c'est fabuleux, mais vraiment, une composition du compositeur roumain Iancu Dimitrescu, qui s'appelle Medium 3, pièce solo pour contrebasse, tirée d'un album de Iancu Dimitrescu qui s'appelle lui-même Medium 3. Et donc voilà, l'album est éponyme du titre que le compositeur a écrit pour Fernando Grillo, c'est fabuleux. C'est pas ça qu'on va écouter, parce que je voulais vous faire écouter quelque chose qui soit sorti et qui ait pu être écouté par Steven Stapleton pour qu'il ait envie d'incorporer ce musicien dans cette liste. Donc c'est pas le cas du Medium 3, mais le Medium 3, ça, on le retrouve par exemple sur YouTube, ça se télécharge, enfin bref, débrouillez-vous si vous voulez écouter ça. Iancu Dimitrescu, Medium 3 pour contrebasse, c'est assez fabuleux. Après ses expérimentations, Fernando Grillo va plutôt s'orienter vers la musique baroque. Il écrira même une pièce allemande suite 1, qui est une référence en la matière. Et donc, tout contrebassiste partant vers la musique baroque va apprendre à jouer cette pièce suite 1, qui est très réussie. Vers la fin de sa vie, Fernando Grillo va s'isoler du monde de la musique et puis un peu aigri, le gars. notamment envers les compositeurs contemporains, dont il considère que ces compositeurs sous-estiment les possibilités de l'instrument, de la contrebasse, et qu'ils utilisent les méthodes de jeu de Fernando Grillo, certes, mais plutôt pour faire des effets que dans un but strictement musical. Voilà. Fernando Grillo, du reste, nous quittera, il mettra fin à ses jours en sautant d'une fenêtre, je ne sais pas pourquoi je raconte ça, mais j'ai lu ça, voilà, en 2013, non sans avoir laissé quand même derrière lui une œuvre assez magistrale, ne serait-ce que ce Flouvinet qui est vraiment, mais vraiment impressionnant. Alors c'est pareil, ce soir je suis en train d'essayer de vous expliquer que, à mon sens, toute musique peut être un voyage, et celle-là était vraiment un voyage parce qu'on n'a vraiment pas l'impression d'entendre de la contrebasse. Il y a 6 pistes et elles se ressemblent pas. Voilà, c'est vraiment pas un album d'expérimentation chiante. Vraiment, c'est plutôt un album pareil à s'écouter posé, vraiment rentré dans les sons. On peut toujours se demander, tiens, comment est-ce qu'il est arrivé à obtenir ce son-là, mais sinon, juste laisser le fond, la forme, et se laisser entraîner par le fond, et peut-être même vers le fond, si j'ose dire, avec ce très bel album Flouvinet. On va s'écouter l'extrait, donc Flouvinet 3, le troisième extrait donc de l'album de Fernando Grillo, Flouvinet, et c'est comme ça qu'on va conclure cette émission de Vraiment Autre Chose. Allez, je vous souhaite un bon voyage à l'archer, à la contrebasse, et cette pièce est assez magnifique, et si ça vous touche autant que ça peut me toucher, n'hésitez pas à faire comme moi, aller creuser un peu plus ce qu'a pu jouer Fernando Grillo, parce qu'il y a des choses vraiment, vraiment magnifiques. Encore un musicien méconnu, encore quelqu'un qui retrouve une deuxième vie grâce à cette liste, et c'est sans doute grâce à ça qu'on peut facilement arriver à écouter sa musique sur Internet, ou que ses albums du reste sont réédités. Allez, assez parlé, c'est parti pour un long voyage fluvial, donc Flouvinet 3 de Fernando Grillo. Thank you. Voilà, c'était Fernando Grillo dans, tiré de l'album Fluviné, donc un album entièrement consacré à l'expérimentation sonore autour de la contrebasse. C'est sorti chez le label italien Cramps, super label italien, vraiment beaucoup beaucoup de petites pépites sont à retrouver sur ce label, notamment pas mal de groupes et de musiciens dont on a déjà parlé, comme par exemple le groupe Area, mais aussi le pianiste Patricio Farizelli, son Anthropophagia aussi est sorti chez Cramps, et même l'américain Robert Ashley, dont j'avais parlé dans une des toutes premières émissions d'Au pied de la lettre, je crois que c'était la première d'ailleurs, cette longue, ces longs morceaux là, Insara, Menken, David Beethoven et je sais plus quoi, magnifique d'enregistrement, des phrases répétées, annonées, bouclées, enfin une petite merveille. Bref, tout ça pour dire que sur le label Cramps Records, il y a pas mal de petites merveilles, comme il y a pas, il y a eu déjà pas mal de petites merveilles dans cette 191e édition de Vraiment Autre Chose. Et ça ne marche pas, et... Bonjour les petits enfants! Et ouais, les petits enfants, bonjour, et puis bonne nuit les petits enfants, parce qu'il commence à se faire un petit peu tard, là, il doit être 23h05 sur Radio Radio, alors si vous nous écoutez, si c'est des petits enfants corréziens, alors là, pour le coup, il est encore plus tard, il est minuit 35, enfin voilà, il est tard, donc il est temps de rendre l'antenne, et donc générique. Rendre l'antenne, certes, mais non sans avoir sacrifié à la traditionnelle ou traditionnelle interminable récapitulatif de fin d'émission. Donc dans cette 20e édition d'Au pied de la lettre, nous étions sur la lettre G. Nous en finissons d'ailleurs avec la lettre G. Et ce soir, nous avons écouté Gila, le groupe allemand Gila. On a écouté trois titres tirés non pas de l'album Free Music Sound, comme je le disais tout à l'heure, excusez-moi, j'ai ma langue à fourcher, ça c'est leur deuxième album, qui est moins intéressant. Non, là on s'est attardé sur le premier album qui s'appelle Gila lui-même, album éponyme, donc sorti en 1971. On a écouté les titres Agression, Collapse et on a fini par Individualitat. Ensuite on s'est attaqué au groupe shit, comme disent les fans dans les forums de rock progressif, à savoir le groupe Gropschnitt. On a retrouvé avec plaisir le batteur Joachim Herrock, dont on avait déjà parlé de l'album solo sorti sous le nom Herrock lors d'une émission précédente. Cette fois-ci donc on le retrouve au sein du groupe Gropschnitt, grande musique, grandiloquence, esprit un peu cabaret loufoque et spectacle pyrotechnique au menu. On a écouté un extrait de l'album Solar Music Live sorti en 1978, qui est donc un live comme leur nom l'indique et qui est apparemment, de l'avis de tous les fans du Gropschnitt, le meilleur album album du groupe et vraiment la porte d'entrée par laquelle il fallait aller. Nous l'avons donc franchi. Par la suite, on est allé en Autriche avec Friedrich Gulda et Ursula Anders. Faudrait citer les deux. C'est bizarre qu'il n'y a que Friedrich Gulda qui soit crédité dans cette liste. Après tout, l'album est signé des deux. C'est de la pure improvisation, donc il n'y a pas spécialement un musicien qui prend le pli sur l'autre. Cet album, il est composé de solos et de duos. Là, on s'est arrêté sur les duos, donc Friedrich Gulda et Ursula Anders, respectivement au piano et à la batterie. On a écouté le duo 1, suivi du duo 3, tout ça tiré donc de l'album Gegenwart, sorti en 1976 et qui est une des rares incartades du pianiste Friedrich Gulda vers les musiques expérimentales, parce que pour le reste, il est plutôt dans le périmètre, dans le territoire des musiques classiques, du répertoire, comme on dit, et surtout sa grande marotte, comme je vous l'ai expliqué, c'était la rencontre entre le jazz et les musiques classiques. Il a consacré une partie de son œuvre là-dessus, ce qui ne lui aura pas spécialement valu la notoriété et qui lui aura valu d'être plutôt dénigré par ses congénères des musiques classiques. Ça, c'était pour Friedrich Gulda. Ensuite, on a parlé du groupe Gomorra. On est revenu en Allemagne et on a écouté Dance on a Volcano, le titre qui ouvre le deuxième ou troisième album de Gomorra, puisque le premier et le deuxième sont le même, mais dans des langues différentes. Donc, troisième album de Gomorra, I Turn to See Whose Voice It Was, qui est sorti en 1972 et qui nous a amené avec bonheur du côté de Black Sabbath ou de Led Zeppelin. Voilà, ensuite on est parti chez Guru Guru, encore un groupe de rock progressif allemand, me direz-vous. Ben non, pas du tout, vous ne me le direz pas, parce que vous avez écouté cette émission de bout en bout et que vous avez pu constater que Gila, Gröbschnitz, Gomorra ou Guru Guru avaient vraiment des explorations sonores très différentes. Du côté de Guru Guru, notamment sous l'impulsion de leur producteur ingé son, on est plus dans une recherche de sons à noisy, expérimentaux et des ambiances atmosphériques qui nous amènent avec plaisir du côté d'un post-rock naissant. C'était l'album UFO dont on a découvert deux titres. Cet album est sorti en 70. On a écouté Girl Call, suivi de UFO. Et enfin, nous avons terminé cette émission avec le contrebassiste Fernando Grillo. Et là, on est sur l'album Fluviné, sorti en 1976 chez Cramps Records, comme je le disais tout à l'heure. On a écouté le titre Fluvinetri. C'est ça qui s'est passé ce soir. Avant de rendre l'antenne, je voulais vous remercier à toutes et à tous d'être toujours fidèles à Vraiment Autre Chose et de suivre cette tentative d'exploration radiophonique, cette longue exploration dans laquelle on s'est lancé à corps perdu avec les camarades. Camarades que vous retrouverez avec bonheur dès jeudi prochain pour une nouvelle édition de Au pied de la lettre. Ce sera la 21e édition et là, on sera sur la lettre H. Je peux d'ores et déjà vous dire que Pierre-Henri sera une des pièces maîtresses de l'émission à venir, mais on écoutera aussi d'autres groupes beaucoup moins connus et qui valent le coup d'oreille. C'est ça le plaisir de Au pied de la lettre. Steven Stapleton l'a sélectionné pour nous en 1978. On a le plaisir maintenant de vous faire découvrir tout ça en 2022. C'est ça aussi une boucle qui se boucle. C'est ça aussi l'histoire de la musique et le plaisir du partage. Voilà, j'ai beaucoup trop parlé, tellement parlé qu'il n'y a même plus de générique derrière moi. Je suis tout seul dans les studios, il n'y a même plus de musique de fond pour me couvrir, il n'y a même plus rien. Et du coup, ben voilà, qu'est-ce qui m'attend? Ce qui a attendu pas mal de ces groupes des années 70. Et c'est encore une méthode utilisée de nos jours. Je vais disparaître dans un long fade-out interminable. Mais je n'arrêterai pas de parler, mais de toute façon, ça s'arrêtera. On se retrouve la semaine prochaine. Je vous embrasse à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être fidèles à l'antenne. Radio 106.8.